Ça a été confirmé aujourd'hui en conférence de presse à Québec. Patrick Roy revient à la barre des remparts de Québec comme président et directeur général. Et on va parler avec de CJMD. Vous pouvez l'écouter le dimanche soir de 18h30 à 20h30 sur CJMD à Lévis. Mario Hudon. Salut Mario. Hey Mario, avant de parler de Patrick, je veux parler de ton show un peu. Ça fait 3 semaines que ton show est en onde. Comment ça va la réaction? Parce que c'est dimanche soir, c'est pas évident. C'est pas une heure d'écoute. Ouais. Dimanche soir de 18h à 20h. Ouais. C'est pas habituel, mais c'est le meilleur moment pour moi en raison ben oui. de mes autres obligations de tenir cette émission-là. CJMD m'offre la chance de rester actif et de continuer à parler de sport avec les gens. Ça va bien. On me dit que les résultats sont très, très encourageants. Même, comme tu dis, à une heure qui est un peu plus difficile, peut-être pour ce genre d'émission-là. Mais eux sont très, très, très satisfaits là, de la réponse des auditeurs. Donc, on va continuer encore un petit bout. Ça va s'arrêter pour l'été. Puis on verra à l'automne vers où ça va nous mener. Là. OK. Toute une nouvelle, ce qui s'est passé ce matin. Ben écoute, on le savait, c'était le secret le moins bien gardé à Québec. La conférence de presse à 11h qu'on a annoncé Patrick Roy. Moi, je trouve que c'est une magnifique nouvelle, pas juste pour les remparts. C'est pour les remparts, je pense que c'est au moins 2000 billets de saison de plus. Et c'est pas juste ça non plus, c'est toute la Légion Major du Québec qui va en bénéficier. Comme ça l'a été les 10 années qui étaient là pour les remparts, Patrick remplit les arénas, il se trouve toujours le moyen d'avoir une équipe qui est compétitive. C'est certain que pour Québécois, c'est un bon coup. Avec la non-arrivée des Nordiques, tu veux que les gens restent dans l'aréna parce qu'on ne se cachera pas que dans les dernières années, même si on a eu les meilleures foules au pays, il semblait avoir un genre de désintéressement un peu des fans des remparts. Ça va ramener ça. Et t'as raison, pour les autres villes, ce n'est qu'une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour tout le monde, là, que Patrick revienne à la barre. J'ai écouté une partie de la conférence de presse et il mentionnait que pour 2 ans, directeur gérant et coach, prend les 2 postes, ils vont faire l'autobus encore. Patrick, c'est un homme d'exception, ça change pas. Tellement d'exception que je pensais jamais qu'il reviendrait comme ça alors qu'il est plus copropriétaire de l'équipe. Okay. Très, très surprenant. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que le gars a connu l'avalanche du Colorado. Il va se taper des voyages de Québec jusqu'à Rouyn-Noranda et en passant par d'autres villes, Halifax et ainsi de suite, là, en autobus. Faut vraiment le faire. Mais il est comme ça. Moi, j'ai travaillé pour lui lorsque j'ai travaillé à Québec 800. J'ai eu la chance de discuter souvent avec lui. J'ai fait des émissions avec lui. C'est un gars extrêmement disponible, extrêmement près du monde. Ceux qui l'ont traité à certains moments, que c'est un gars qui travaillait seul, c'est complètement fait. C'est un gars qui travaille énormément en équipe. Il va prendre la dernière décision, mais c'est un gars qui discutait, je pense, avec Claude Rousseau, avec Jacques Tanguy, après chaque rencontre. Il a toujours fait ça. Et même Serge Beausoleil, qui est maintenant à Rimouski, était avec le Blizzard. Il discutait avec Serge Beausoleil. Il prend les critiques. Vraiment, Patrick, je te le répète, c'est un gars d'exception. Puis, autant que je suis surpris qu'il revienne avec les remparts, autant je ne suis pas surpris. Parce que c'est un gars comme ça. Si c'est ça qu'il a le goût de faire, il le fait. Et ça sacre bien de ce qu'on va penser ou ce qu'on peut penser. Lui, c'est ça qu'il tente, il se fait un cadeau, parfait. Ben oui, c'est clair, c'est clair. Et merci de le faire encore dans sa ville, avec son monde. Patrick a été très, très bon pour la région de Québec, et il l'est encore. Oui. Mario, moi, ce que je trouve triste là-dedans, c'est quand même triste, pareil, que les gars, la Ligue nationale, semble-t-il, les dirigeants de la Ligue nationale ont peur de Patrick Roy. C'est sûr que Patrick, il amène large. C'est sûr que Patrick, c'est toute une tête forte. Par contre, si c'était un homme fort contre lui, je suis pas sûr, moi, qu'il aurait fait peur à Serge Chabot. Tu sais ce que je veux dire? Oh, ouais, mais là-dedans, il l'a dit, il n'y a pas eu d'offre. Ce qui fait peur à des gens ceux qui sont en place, tu veux peut-être pas te mettre quelqu'un d'aussi fort que ça autour de toi. Moi, je trouve ça dommage. Parce que t'es toujours aussi fort que les gens qui t'entourent. Fait que si t'es entouré de personnes faibles, tu vas paraître faible. Si t'es entouré de personnes fortes, tu vas paraître plus fort. Seulement, je vois ça, à moins que t'aies peur pour ta job. C'est souvent, j'ai déjà entendu des gens me dire, on n'engagera pas quelqu'un de trop bon parce qu'il va prendre notre job. Je te parle de quelqu'un de avec une grande expérience dans le domaine de la radio qui m'avait dit ça. Puis moi, j'ai dit, au contraire, plus il est bon, plus il va nous attirer de l'auditoire. Ben, effectivement, effectivement. Qu'est-ce qui va avec les adjoints? Moi, je pense que mon chum Marc, les carottes sont cuites. C'est une opinion personnelle, j'ai aucune information, mais quand Patrick dit les remparts, c'est une organisation sérieuse, on va rencontrer les gens en question pour vous faire part de notre décision. Moi, ça, pour Marc, parce que il collabore à Dan Radio Sport, moi, je trouve ça dommage un peu, puis je pense que les carottes sont cuites. Tu es d'accord avec moi? Non, faut attendre. Moi aussi, j'étais un bon ami. Marc Fortier, c'est un bon ami à moi. Et c'est un gars extrêmement compétent. Est-ce que Patrick va faire des changements? Bien sûr qu'il va en faire. Patrick est un gars comme ça. Il en a fait des changements. Est-ce que les changements que Philippe Boucher avait fait lui plaisent, lui plaisent pas? Mais une chose est sûre, il va prendre le temps, puis il prendra pas de décision sur un coup de tête. Là. Patrick va être très songé. Il le faisait avant. Il prévoyait 3 à 4 ans d'avance avec les remparts au moment où il était là. Ben, je pense qu'il va refaire ça. T'as vu, tout de suite, il s'est mis à se promener dans les arénas, il voulait avoir les joueurs à voir. Parfait. Patrick, quoi, c'est ça. Là-dessus, on peut poser bien des questions, mais sur son engagement, sa volonté de faire des remparts, encore une fois, une équipe gagnante, ça, j'en doute aucunement. Et le respecter ceux qui travaillent autour de lui, ça aussi, je suis certain que Patrick va bien faire. Mario, dernière question. Tu es d'accord avec moi que l'arrivée de Patrick Roy pour les remparts, ça signifie probablement 2 à 3 000 billets de saison plus minimum. Ça signifie peut-être un radiodiffuseur sérieux. Non pas que Cheese est pas sérieux, mais c'est parce que de plus d'envergure, je dirais, et peut-être même plus de commandites. Bon, écoute, je pense pas. Il va avoir plus de billets de saison parce que Patrick, c'est le joueur le plus vendeur. C'est le joueur le plus vendeur. C'est toujours lui qui était le plus applaudi. Ça demeure et ça changera pas. Son départ faisait perdre des auditeurs ou des détenteurs de billets de saison au rempart lorsqu'il est quitté. Même si Philippe Boucher avait un bon nom, il y en a qui sont partis. Il y en a qui vont revenir. Sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi. L'autre partie, est-ce qu'il y a une station commerciale qui va reprendre les remparts? Je le pense pas. Okay. Pour une raison, c'est que c'est le temps d'antenne. Et tu peux pas, le 93 le fera pas. Okay. Déjà, ils ont le Canadien, ils les avaient, ils les ont laissés partir. Au moment où ils sont partis, le choix n'a pas ouvert la porte. Puis les autres qui n'ont pas des licences complètement top, il faut qu'ils pensent à leur musique. Ou ceux qui arrivent avec une musique anglophone, il faut qu'il y ait, moi ce que j'ai toujours appelé, une dompe à produits francophones en raison des quotas. Tu peux pas ajouter cette programmation-là, qui est de la programmation parlée, dans une station qui, à 50%, doit être musicale, puis à 65% de ce temps-là, doit être francophone. OK. Mais au niveau des commanditaires, ça peut être possible aussi, par contre. Ben, les commanditaires pour les remparts. Oui, ça va être très bon. Ouais, ça va être très bon. Ça va redevenir peut-être plus intéressant. La question maintenant, est-ce que Québécois a des visées. J'écoutais pendant la conférence de presse. On a bien sûr que le dossier des Nordiques s'est présenté. Est-ce qu'on dit à Patrick, donne-nous un coup de main? Parce que c'est ça, hein, aussi, Québécois recherche. Là. Ils s'en sont pas cachés que Patrick serait bon pour la concession. Ben oui, ben oui, ben oui. Bon, est-ce qu'on dit à Patrick, si un jour il y avait entente puis que les Nordiques revenaient, ben ce sera probablement le premier entraîneur, premier directeur général de la formation qui reviendrait dans la Ligue nationale. Deuxièmement, ben lorsque tu vas t'asseoir à la table de Gary Bettman et des autres, t'as Patrick Roy dans ton giron, là. OK, ben c'est sûr. Ça ajoute la crédibilité, de la visibilité. Si Patrick Roy s'associe à Pierre-Carl Péladeau, qui était d'ailleurs là aujourd'hui à la conférence de presse, ce qui est un peu surprenant, ben écoute, il y a des gens du côté de la Ligue nationale qui vont écouter un petit peu plus, là. Effectivement. Est-ce que tu penses que Philippe Boucher était congédié? C'est un déguisement congédié? Non? Non, du tout. Philippe Boucher est bien en selle. Et là-dessus, connaissant aussi très bien Jacques Tanguay, c'était la décision de Philippe. Et Jacques Tanguay est extrêmement fidèle aux employés qui les servent bien, même si Jacques Tanguay est plus propriétaire. Il est comme ça avec le Rouge et Or. Et Jacques Tanguay, lui aussi, est un homme d'exception. Fait que les remparts ont à leur tête deux hommes d'exception, encore une fois, là, avec le retour de Patrick. Okay. Donc, Mario, on t'écoute sur les ondes de CJMD à compter de tous les dimanches soirs à 18h, CJMD à Lévis. Et 96.9, oui. 96.9, et nous, on se reparle quand l'actualité à Québec va le demander. Toujours un plaisir, mon ami. Mario Hudon de CJMD à Lévis.